propre cancer. Demandez, c'est ce souvenir pour amateur. Si vous n'êtes pas d'épingle, tapez ça, touchez ça. Nous avons un violon d'ingre, voyez ça, prenez ça. Une paire de pinces sans rire, une trousse de satire, un retour de manivelle, et la pomme de Guillaume Tell. Demandez, quasi Casimir le brocanteur. Demandez, c'est ce souvenir pour amateur. Voilà pour faire une matelote, un bout du serpent de mer. Voici une jolie cocotte, ça tient chaud en hiver. La clé du canal de Suez, une très belle paire de fesses, et aussi quelques bijoux qui viennent du père du pont loup. Demandez, quasi Casimir le brocanteur. Demandez, c'est ce souvenir pour amateur. C'est un lot, c'est une affaire. Tâtez ça, touchez ça. Ce qu'il y a peut vous plaire. Voyez tout, prenez tout. S'il n'y a rien qui vous convienne, profitez donc de l'aubaine. Il ne reste pas un mot en brume. On ne le vend pas, on vous le donne. Oh, oh, demandez, quasi Casimir le brocanteur. Demandez, c'est ce souvenir pour amateur. Demandez, quasi Casimir, le brocanteur.